On est tout seul. Les parents sont pas là. Et il n'y a pas d'animaux. On regarde par la fenêtre. On regarde, on fouille dans la maison. On allume peut-être la télé. Et puis on l'éteint. Et on attend. Rien ne bouge du tout. On n'ose pas crier, de peur que ça nous saute dessus. Si maman le découvre. Silence total.